là tu dois m'entendre. Ouais. Bah, je préfère parler en fait que taper. Ouais, Kosan Road aussi, j'ai été, ben, j'ai squatté là-bas, j'étais dans une petite guest house. Si mes souvenirs sont bons, c'était la Twin Guest House. Je payais 100 bahts la nuit. Et c'était à côté de la place, c'était pas loin d'une petite place au bord de l'eau, enfin au bord de la rivière, quoi. Et c'est là où il faisait du, comment dire, il y a un tout petit temple, mais en fait c'est vraiment tout petit, un tout petit temple en bois. Et les gens viennent faire du yoga. C'est pas loin de Kosan Road, c'est à deux pas, quoi. C'est dans le quartier de Banglampu. Et c'était rigolo parce que, alors je sais pas si ça existe encore. Moi j'y suis allé il y a un bail. Comment ? Je t'ai pas entendu, pardon. Et donc c'était sur, il y avait une place où ils faisaient du comment on appelle ça déjà, tu sais, du sport et de la musique là, du fitness, mais décalé complet. À l'ancienne, et ils sont et tous les à 18h, ils se réunissent, ils sont je sais pas une centaine et ils se mettent la zik à bloc et ils font du ils font du fitness en musique. C'était marrant. Ça. Tout le monde est dehors. Ah ouais, on avait un parc à côté de chez nous. C'était à deux pas de Kosan Road. Kosan Road, il y a toujours le bar avec. Comment ? Ah, on est décalé. Bah oui, on est décalé. Tu m'étonnes dans le. Est-ce que tu. Est-ce qu'il y a toujours le bar sur Kosan Road avec oui je vois ouais oh bah il y en a tellement des parcs aussi là-bas ouais c'est un peu le bordel parce qu'on est en 32 faudrait mettre plus court peut-être non. Voyons voir. Oui, voir 8, c'est mieux. Ouais. Est-ce que ça marche comme ça ? Il y avait un pub avec un scooter. Il y a un mode pour parler en plus. Il y a un mode, je ne sais plus où il est. Je me souviens de ça. Oui, en vite, ouais, si, ça me parle ce truc, ouais. Le scooter, ouais. Bah, c'est peut-être plus fluide. Il y avait un baraque avec des motos, quoi. C'était le délire, c'est vrai que. Mais il y avait tellement de monde. Ouais, là, ouais. Tu voyais partout. Ouais, c'était sympa. Ça débordait partout, c'était. C'est la folie. Ouais, c'est énorme. Ça, bah, c'est l'endroit. Bah, c'est les backpacks. Hein, c'est tous les sacs à dos. C'est pas cher et ça vaut le coup, quoi. C'est pas mal. Ça change de. Oh, il y a une dizaine d'années. Hein. Ouais, oh, il y a même plus qu'une dizaine d'années. Hein. Il y a. Ah, je crois que c'était en 2001. Ouais. Donc ça commençait à devenir assez touristique. Donc mais moins que maintenant. Maintenant c'est très très touristique. Donc là c'est encore plus. Mais il y a des coins vraiment vraiment vraiment super. C'est extraordinaire. Je te disais j'étais dans des endroits ils n'avaient jamais vu de blanc de leur vie quoi. C'était Et ils venaient des. Ah, mais c'était hallucinant. Et ils venaient des villages voisins. Il y avait des moines bouddhistes qui venaient, rien que pour me voir, pour picoler ensemble. Pour voir le blanc. Ils buvaient des bières, en fait. Là-bas, ils se mettent sur les tables. Et ouais, c'était trop fou. Ils se mettent sur les tables, en fait. Et à la campagne. Moi, je voyais pas trop ça en ville, mais ils s'assoient sur les tables. Il n'y a pas de chaises. Ils ont des grandes tables en bois et non ça j'ai pas vu. Il y avait une maison. Et on n'a pas fait trop la campagne. Les poulets, les buffles. Bah ouais parce que c'est particulier. Alors le train, c'est des petits trains, mais t'as l'impression que c'est taillé pour les Playmobil Et c'est vraiment space, quoi. Parce que c'est tout petit, tu peux même pas t'allonger sur la banquette pour dormir, tellement c'est petit. C'est en bois, c'est. C'était étrange. Mais c'était vraiment c'est... une super balade de partir comme ça en train. Et... Ah, c'est ça. Ah, c'est hallucinant. Et dans le sud, je suis parti en bus. Il y a des côtés magiques, ouais. Là. Il y a plein de moments comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est extraordinaire. Dès que je suis arrivé, de toute façon, ça a été. Dès que je suis arrivé, j'ai demandé un thaï. Dès que je suis sorti de l'aéroport, j'ai demandé où c'était la gare. Parce que moi, j'avais acheté le Lonely Planet, tu sais. Je m'étais fait un petit peu une idée de où je voulais arriver. Bon, je voulais arriver sur Koh Samloth, forcément. C'était pas cher. Bon, mon budget, je voulais essayer d'économiser un max. Parce que je voulais rester un bon moment là-bas, tu vois. Et il y a un mec qui m'a tout. Je suis arrivé, il m'a dit viens. T'as tout organisé. Il m'a amené sur le quai de la gare, il a pris un billet pour moi. Il m'a dit ça fait 2-3 bahts. Et il m'a accompagné jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée à Bangkok. Il m'a dit c'est là le bus pour aller à Banglampou. Un truc de fou. Et je rentre dans le bus et puis je rencontre un Français. Et il me dit ah bah c'est cool et tout, t'es français, machin. Et il me dit si tu cherches une guest house, il bossait ici, il me dit si tu cherches une guest house pas cher, va là-bas, tu vas de ma part, tu verras, c'est super cool et tout. Et tout le voyage, ça a été ça en fait. C'était que des rencontres de folie avec. Moi, j'ai vu des trucs aussi chauds. J'ai vu des trucs un peu plus violents, mais j'ai un mec une fois dans un pub au fin fond. C'était à Phuket, mais à Hawaï, dans le sud. En fait, c'est un tout petit. C'est quoi, c'est on n'a pas fait ce un côté, kilomètre ouais. De plage, même pas. Et c'est vraiment le sud de Phuket. C'est. Il y a quelques îles en face, mais voilà, c'est vraiment un peu le... Ouais, c'est le cul de Phuket, quoi. Vraiment, c'est tout en bas. Et mec bourré, tout... il est arrivé à planter un hachoir à 2 cm de moi sur la table, et j'étais en train de discuter tranquille. En fait, il était jaloux de... Il était bourré, et puis quand ils sont bourrés, ils tiennent pas l'alcool, tu sais. Ils sont pas très grands, alors ils encaissent pas trop l'alcool. Ils aiment bien picoler. Et, on a pas plus de... À force d'y être, tu vois le... On a... Ouais, de l'autre côté, c'est sûr que de manière comme touriste, tu vois pas la même chose. Mais d'ailleurs, c'est un peu frustrant. Il parlait pas beaucoup anglais. Nous, on était confrontés à ça. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, pourtant, ils sont quand même vachement autour du tourisme, quoi. C'est quand même les trois quarts, à mon avis, effectivement, des apports quand même. Ah oui, il y en a beaucoup. Ils parlent pas anglais. C'est vrai qu'ils parlent quasiment pas l'anglais. Il y a un problème. Ah ouais, pas du tout, mais même lire l'alphabet européen, ils connaissent pas, quoi. Impossible de sur les cartes, on avait des cartes d'européens. Ah non, là c'est même pas. Tu montrais un truc sur la carte, c'est impossible, quoi. Ouais, non, mais là c'est pas possible. Non, c'est drôle, c'est. Mais on n'a pas vu de violence, par contre. Des fois c'est que au signe. Nulle part, en fait, hein. Il y avait pas de klaxon. Ouais, mais je sais pas, il doit avoir une présence policière quand même, mais tu la sens nulle part, quoi. C'était impressionnant, quoi. Même dans Koh Samloth, pourtant ça pourrait dégénérer à tout moment, quoi. Et genre, on a rien vu. La police est liée, mais c'est sûr. Ouais, mais c'est discret. C'est pas oppressant comme ailleurs. C'est discret. C'est exactement ça. Discret. Moi, j'ai des souvenirs de m'être baladé à n'importe quelle heure de la nuit partout et jamais de problème. Au contraire, dans la gare, en général, dans une gare, tu vas dans une gare dans n'importe quelle ville de France. Si tu vas à 4h du matin, t'es sûr d'avoir une embrouille. Là-bas, il y avait des tonnes de gens qui dormaient dans la gare, mais pas d'agression, quoi. Dans la gare. Là, hop, on se balade, on travaille. Pas d'agression, ouais. Ouais, c'est, ouais, ah, dans la gare, quelque même. Chose. Pas d'agression. Alors, rien. Les seuls qui. Je sais pas si c'est l'oppression qui est policière, qui est pas présente, qu'on sent pas, ou si c'est. Je pense que les gens sont calmes en plus, globalement, ils sont. Là-bas, ça rigole pas, si tu veux. Je pense qu'il y a aussi de ça, quoi. Mais Oui, voilà, ça rigole pas. Je pense que totalement. quand ça cartonne, je pense qu'effectivement, ouais, ça, ils sont pas, Ah c'est pas non, des la cons, les anciens. Je police, pense tant qu'il faut pas elle avoir rigole pas d'embrouille, quoi. Je pense là-bas. qu'effectivement, même en tant que... Non, Non, voilà, clairement, voilà. Si tu as un on la respect voit pas pour trop, eux, mais je pense qu'il vaut mieux pas trop la voir. ce sera réciproque. Ouais, c'est ça. Alors, ils ont Ouais, vraiment, c'est... comment dire, Non, c'est le super sens de agréable. En tout cas, c'est vrai l'hospitalité comme... dans certains coins. Après, ils sont très, comment dire, par contre, très nationalistes. Bon, c'est par défaut, hein. Ils accueillent leur tourisme. Ouais, Mais c'est impressionnant. Alors, dans certains coins, ça j'ai pas devient trop même un saisi le petit peu. nationalisme, mais c'est omniprésent, quoi. Ouais, Ah, c'est ça fait ça. sectaire un petit peu comme Oui. ça quand Bon, tu c'est vois pas un leur mal. Ils rapport au adorent leur roi et au pays, truc, là, leur c'est culture. ouais, c'est bizarre. Hein, c'est Oui. ouais, Ah, ouais, mais c'est mais totalement. c'est Une particulier, fois, ouais. je suis allé. Je sortais avec une thaï bouddhiste. C'est vrai qu'ils sont en majorité bouddhistes. Comment dire, dans le pays. Et dans le sud, plus on va dans le sud, plus ils sont musulmans. Parce qu'on s'approche Musulmans après, de ouais. Malaisie. Il y a des parties chaudes là-bas. Ouais. Et puis, Malaisie, ouais, c'est la frontière voilà, avec où tu ça peux pas devient y plus accéder, ouais. chaud, c'est comme partout, malheureusement. Voilà. Donc, alors, il y a la Birmanie, maintenant on peut y aller, mais il y a une période où on ne pouvait pas y aller. C'était un peu chaud, mais ça, c'est différent. C'était d'autres problèmes. Mais plus tu vas dans le sud, en fait, c'est parce qu'après, Ah tu as ouais, l'Indonésie, tout ça, et l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman au monde. Et en fait, ouais, on est d'accord. allé. Ouais, je Moi, je comprends. mangeais le matin C'est dans la un petit première fois que j'allais restaurant en Asie, moi. qui faisait. Ben, moi, j'ai été que là aussi, franchement, mais c'est une belle aventure. Il paraît que le Japon, c'est excellent aussi, mais c'est très cher, ça n'a rien à voir. Le Laos, Ouais, ça doit être autre chose, hein, je pense. C'est c'est le un plus peu sauvage, différent, en je fait. pense. Oui. Oui, clairement. Ah oui. Et c'est très très touristique. Donc c'est vrai que c'est agréable. Les gens sont aux petits soins. C'est beau. Il n'y a pas besoin Ouais, mais il n'y avait pas d'un beaucoup de hôtel de touristes, nous, luxe tu vois. flambant neuf. C'est vrai? Ah, d'accord. Vous êtes parti en quelle période? On À était quelle dans période? l'est donc de la Thaïlande et il n'y avait pas de tourisme. C'était en pleine période off chaude, hein, Ah oui, c'était dans la l'Est, il n'y a période on personne. était en Ah oui. février, aux vacances de février. Ouais, Ah ben impressionnant, c'est bien, impressionnant. Et c'est bien. pourtant, Ça il y a commence des vendeurs partout, hein, à t'as des slashes cogner, c'est vrai. immenses. Et il n'y avait personne, tu avais des plages vides énormes, gigantesques, c'était délirant total. Mais les touristes, il n'y en avait quasiment pas, quoi. Oui, C'était magnifique, c'est vrai que c'était beau. l'Est et l'Ouest, t'as pas grand monde, hein. Ils vont tous à l'ouest, hein. Beaucoup vont dans le sud, beaucoup vont dans les Ouais, stations. Alors, ils vont tous dans le sud, c'est plus dans le sud. c'est Voilà. Les Phuket et gens vont dans puis le sud, dans le nord, mais beaucoup. Voilà. Tout ce qui est Phuket, toutes les îles, Koh Phangan, Koh Chang, Koh Koh-Lanta Phi, et tout ça, ouais. Koh-Lanta, enfin, tous les Koh, quoi, toutes les îles. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, là, c'est vrai qu'il y a énormément de touristes. Beaucoup d'expatriés aussi. Hein. Il y a des crêperies. Maintenant, on trouve de tout. Mais c'est vrai que dès qu'on sort un petit peu du contexte touristique,